Ok. Saha la famille. Beretta et l'Algérino. Réaction instinctive. Ok, Beretta l'Alger, un fan bédouin. On vient faire mal au mic, on a plus le temps qu'un berger. C'est pour nos coins frères, trahir on sait point le faire. On vient tous envahir en gardant les points fermes. Dis-moi qu'est-ce t'en dis, tort ou raison. On envoie tellement les watts qu'on a le ton qui résonne. Le cœur et le corps qui frissonnent. Beretta, c'est le chant de la liberté pour les frères qu'on emprisonne. Avant de clamser, je vais faire plein de scènes. Représenter mon peuple du Kef jusqu'à Tlemcen. Unis par le sang, unis par le son. Ici tu cherches à nous abattre les maghrébins saignent. Sans être réputé, faire de ce qu'on a débité. Sur les flics et les députés, ça depuis qu'on a débuté. Débité par l'effort, affamé on se met à parler fort. Et c'est là que les portes font les gérer à l'effort. Ça sort du cœur pour mes frères à l'ombre. Et c'est l'aïa de Berlestan jusqu'à Révalon. Faut pas qu'on flinche, le choc est brutal. Ce qui nous tue pas rend plus fort. Réaction instinctive. Quand tout s'enclenche, on fait chanter les balles. Tu peux déjà appeler renfort. Réaction instinctive. Y'a trop de porcs, les porcs. Ils croyaient qu'on était vaincus, mais v'là l'effort. Ils croyaient qu'on était vaincus, mais v'là l'effort. Aux portes de leur défaite, à nous la gloire. On veut de l'or, on kilo les pauvres. L'Alger Beretta, tu connais pas la formation. Écoute ça, apprécie le son, mets-toi à table. C'est 3 à Bosch, Ron en Kalashnikov. Ni vu ni connu, ganache cramé comme le stick cramé pour le fun. Mec, on veut le sun et le sun. Taillé en bas du Sunbelt, on finira tous comme Big Pun. Donc, j'prends du bon temps, sachant que tout est éphémère. Un clin d'œil à nos pères et nos mères. Les corps dans la merde, HLM au bord de la mer. On se démerde, on se démène, ne sachant pas où ça nous mène. Ok, t'es pas rassasié, attends un peu. Ramène l'essence pour foutre le feu, j'suis l'étincelle. Épaulé par Kalash, j'suis Belek. J'ouvre la squadra, si ça suffit pas, j'frappe à la Kalash Select. Ça sort du cœur pour mes frères à l'ombre. Et c'est l'aïa de Berlestan jusqu'à Révalon. Faut pas qu'on flinche, le choc est brutal. Ce qui nous tue pas rend plus fort. Réaction instinctive. Quand tout s'enclenche, on fait chanter les balles. Tu peux déjà appeler renfort. Réaction instinctive. Y'a trop de porcs, les porcs. Ils croyaient qu'on était vaincus, mais v'là les porcs. Par excellence, paraît que c'est mort. J'brûle leur chrysanthème. Vise un peu le score, trop hardcore. J'ai pris 10 enfermes. On m'a dit boss, métaphore, dans ta métaphore. Fais bouger les têtes, cherche tes frères, pas de la clientèle. Instinct de survie, c'est le patron en survêt. Surveille tous arrière, y'a rien que des porcs qui nous méprisent en traite. Y'a pas de mise en scène, pendant que la rage a été mise en scène. Nous on s'occupe de faire saigner les enseignes. Pour qui on parle, sûrement pour ce qui en passe. Donc n'oublions pas que dans la vie on passe et qu'on y passe tous. Encore une bastos, l'Algérino a pris son art. Phrase et triomphale, y'a vacarme chez les petits zonards. Réunis par le sang, unis par le sang, punis par le sort. Mais pas question de faire briller du toc, mon pote. Enfant de quartier anti-car, la famille est dans le sas. Pour vous donner dans le sac. Réaction instinctive. Ça sort du cœur pour mes frères à l'ombre. Et c'est l'aïa de Berlestan jusqu'à Révalon. Réaction instinctive. Faut pas qu'on flinche, le choc est brutal. Ce qui nous tue pas rend plus fort. Réaction instinctive. Quand tout s'enclenche, on fait chanter les balles. Tu peux déjà appeler renfort. Réaction instinctive. Y'a trop de porcs, les porcs. Ils croyaient qu'on était vaincus, mais pas les porcs. Ça sort du cœur pour mes frères à l'ombre. Et c'est l'aïa de Berlestan jusqu'à Révalon. Réaction instinctive. Faut pas qu'on flinche, le choc est brutal. Ce qui nous tue pas rend plus fort. Réaction instinctive. Quand tout s'enclenche, on fait chanter les balles. Tu peux déjà appeler renfort. Réaction instinctive. Y'a trop de porcs, les porcs. Ils croyaient qu'on était vaincus, mais v'là les porcs.